boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Rock'n'Folk a une rubrique, maigre rubrique, une page sur la centaine de pages du numéro d'octobre, une rubrique Qualité France. Alors non, point de ressources pour nos potes de Radio Lozinc, car ces groupes français ne font que beugler dans la langue de Shakespeare. Mais quand même quelques découvertes, comme le Ben Lejeune qui vient d'ouvrir votre 337e Pop and Rock sur la très locale RVR, et qu'on retrouve tout de suite avec son « It's so easy to get lost ». Some Depuis les années 80, Ben le Jeune chante d'abord chez les anonymes Manchester, puis chez les plus confidentiels encore, Creature Comfort, ouais, jamais entendu parler. Le cuir bien tanné, Ben le Jeune se lance en 2021 en solo, projet le conduisant à A Stranger to Your City, dont on vous sort ce soir un troisième extrait en français, s'il vous plaît, enfin, pour partie. Le président. Comme tous les lundis à partir de 17h et comme tous les jeudis à partir de 21h, Pop and Rock, et ce soir on retrouve nos potes de Clinique Rodéo. Ben, merci la voix off. Walking in the storm, looking Comme le petit gimmick de Lustful Gaze m'avait manqué. Si vous écoutez Pop and Rock de temps en temps... Oh, ce qui doit faire bien peu de monde. Oh, écoute, merci pour ton soutien, la voix off. Je disais donc, Clinic Rodeo nous a manqué, alors le petit gimmick de Lustful Gaze a fait grand bien avant de s'aventurer à nouveau vers de nouvelles découvertes. No one ever reached L'artiste que nous découvrons à présent dans Pop & Rock est grand-breton. Il semble bien avoir toute sa place dans la rubrique Qualité France, car le Simon vit en Bretagne depuis bien plus longtemps que le Peter de Horty. Simon Scardanelli offre Underneath the Singing Tree, album doux amer comptant 10 titres, dont notamment Jeune et Curieux, Young and Curious en anglais. Oh oh, quel accent ! Merci la voix off. Find out if you're missing me without giving away the secrets of my soul. I'm not looking for your attention or your sympathy. It's just a passing thought. I missed you yesterday. Well, I never really understood why I stopped loving you. I guess things just happen when you look the other way. And it's been so many years, I shouldn't care. But something just reminded me of you today. Everything was new in the world to you and me. And we ran around thinking that everything was gonna be glorious. But life was never gonna let us grow up easily. So there's gotta be a way to find out if you're missing me. Cause I was only thinking about you the other day. And time is an illusion that it never ever wants to let you stay. Those memories are going to be the best you get. Memory, go away. Memory, I don't want you. Cause I never took the time to tell you that you're beautiful. And I never took the time to say, don't walk away. Well, I think I liked you better when we were young and curious. And the whole world looked like a sunny afternoon. And we were walking through the field in a fantasy of make-believe. How could we know this innocence would go so soon? Well, I think I liked you better when we were young and curious. And the whole world felt like a sunny afternoon. Well, I think I liked you better when we were young and curious. When everything is new in the world to you and me. Well, I think I liked you better when album sorti en 2025 mais complètement intemporel, Underneath the Singing Tree est une source d'apaisement et de bonheur. Prenez-le à haute dose, cela ne nuit nullement à la santé. Et ce n'est pas moins efficace que l'homéopathie. I used to run around thinking I was funny. Talking out the back of my head. I was young. Oh, so young. I used to think that I was better than most. And if you only did what I said, you'd get things done. I got things done. was born to beware the most captain. I was born to be chaos theory's muse. I was born to be beguiled and uncertain. It's no surprise that I was. Cranium, what a fool, such a fool. But now I know that it's smarter to be dumb, and the clever guys are keeping stum. That's the rule, that's a rule. And if you want it, here's a word to be wise. Don't believe a thing I say. Full of contradictions and contrapuntal points of view. And every clever song you thought that I wrote is just a load of words on play. Look at me now, still rhyming them with you. I was born to be. Les beaux artistes programmés ce soir dans Pop & Rock, foncez sur la page de Facebook de Pop & Rock sur RVR. Vous y retrouverez toutes nos playlists et toutes nos émissions en podcast. Tu passes ton temps à la traîne, à revers, à vérifier la route. À ensemble, tu se vaux, se ressemble. Alors pourquoi tous ces doutes? Tu te contractes, plié comme un ressort. Coule un sens, un sang d'encre, un remords que je mâche, me dégoûte. Et trop de blanc, et trop de silence, trop d'absence, trop d'abstinence. On fait de toi ce qui des années déjà. Elle fait de moi. On se surprend, alors on se guette. Se regarde bien appuyer la tête. Se faire mal, on en oublierait presque qu'on est fait l'un pour l'autre. Et des heures de rupture et de rencontres. Après des jours sans fin et des nuits toujours bien trop courtes. insensé, passé par les mêmes fautes. Ici le même c'est le temps, courir à contre-courant. Je le sais, je le pense, et aussi j'y crois, un peu plus que toi. Et mis bout à bout, les sentiments gagnent-ils en importance? Alors tu vois ce que tu peux me dire, j'y pense à peine, ça pourrait me faire rire. À moins qu'au fond, tes mots ne soient mal éris. De l'angoisse, le fil tendu du funambule qui va des peurs à l'espoir, qui de l'espoir va ensuite dans le mur. Et à travers cette lance que je tends, c'est ton cœur que je vise. Changer de sens, de rôle et maquiller les déroutes. Encore une fois, encore une autre, encore une fois. Encore un manque, et pourquoi si long, et pourquoi si là, tenir à bout de bras. Faire semblant, encore une heure, et c'est le son qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi, que je vois toujours à cette place. On vient d'écouter Dahlia, un violoncelle, une guitare, une voix, signature de ce groupe qui a disparu de mes playlists, mais pas de ma bibliothèque musicale. Allez, partons sur une nouvelle découverte, Gablé. Like a glove. It's as if you were lying, but everybody thinks it's grand. You'll never give back the money, but they will surely understand. Help me, it's fine. Give me a piece of your hand. Don't talk, just stand. Invest it all in the land. You do more freezing, you do a mean realistic blunt. Bad knees, weak mind, I feel I've left you behind. Cool ties, cool sleeves, I look at you and go blind. Thank you. empty, so I'm relying on the rum. Good days, good nights, I caught a glimpse of the sight. X-rays, delights, let's all get into the fight. Gablé, trio normand qui depuis 2009 semble s'amuser avec un brio fou. Mélanger, sampler, bidouiller, tenter, essayer, voici un tout petit bout de la recette de ce 10e album de Gablé. Pretty spells made by kind people in lovely mountains. You'll feel better if it costs you. Weary minds caused by lost beliefs with broken egos. It seems closer if it's near you. Sharpie spade used for hole digging to bury critics. None blame except if there's just you. Traversières, guitares, diverses machines et synthés, c'est la signature de ce live, 10e album de Gablé. Et en écoutant ce trio normand de Gablé, j'ai pensé à des Fous Furieux, les druides apprentis de Walter Astral, dont je vous propose à présent un de mes titres préférés, Le Feu. Et à présent, pour la dernière découverte du soir, Pop & Rock vous propose ce que l'on qualifie souvent de rock alternatif. Mais tout ça est bien galvaudé, je dirais donc plutôt que ce soir, Pop & Rock va gratter des terres vierges pour vous, et en défrichant prudemment, on trouve des groupes qui font ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, à partir de leurs propres références, comme Stranded Horse, qui s'amuse avec Boubacar Sissoko dans leur dernier album. There is a place where chaos ends. Revolving door to high demand. Beneath the waves beyond the strand, thank you. as the grace will be under when they give us back our thunder and when they break and tear asunder. Soyons clairs, ma playlist du soir est grandement due à Rock'n'Folk qui, contre vents et marées, croit encore au rock devenu aujourd'hui totalement alternatif. Thank you. Yann Tambour, pseudo de l'âme des Stranded Horse, Yann Tambour est déjà apparu dans nos playlists avec un autre projet Ancre qui ne nous avait pas complètement convaincus. Son amour naissante pour la musique malienne donne cet album The Worms You Deserve, dont je vous propose un troisième extrait. Ça s'appellera Long Is the Line par les Stranded Horse. Long is the line at the door. Raised is the shrine they fell for. You feel a spine through your heart. Come, Blaze, come, girl, you'll run blind. Flood you long for, breathe a new ebbing Goliath, sweep it all away on your path. Arrive et j'espère que toutes ces belles découvertes vous ont plu et vous inciteront à revenir nous voir la semaine prochaine, 17h au 104.6 ou à nous retrouver sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Sur ce, ho ho, bon vent à tous !